Et oui, en cette semaine caniculaire en France, l'occasion ne pouvait pas mieux tomber pour parler des zones humides, ou plutôt de ce qu'il en reste. Selon le dernier rapport de l'IPBES sur la biodiversité, la civilisation industrielle serait venue à bout de près de 90% des zones humides à la surface du globe. Marais, lits fluviaux, lacs, zones côtières étant autant de zones à l'équilibre fragile et qui ont très largement été anthropisées. Et pour cause, ce sont dans ces zones que la civilisation humaine s'est sédentarisée. Elle recèle de nombreuses espèces de faune et de flore. Maintenant qu'elles sont sur le point de disparaître, comment protéger les dernières qui restent ? Zone humide, avis de sécheresse, c'est le programme MOAT qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer donc la situation des zones humides et les moyens de les préserver, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui ici à la Maison de la Radio Delphine Gramont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biogéographe, maîtresse de conférence à la Sorbonne et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Besançon avec Gudrun Bornette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire Chrono Environnement de l'Université de Franche-Comté. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour, eh bien, en complément de votre écoute via notre fil Twitter @laméthodefc, où l'on poste, eh bien, comme chaque jour, un certain nombre d'articles, de liens, de références pour compléter l'écoute de l'émission. Mais pour commencer, eh bien, ces zones humides qui ont longtemps été considérées comme malpropres, bonnes à assécher, insalubres, foyers d'insectes et de miasmes, dès la fin des années 60, leur perception commence à changer, comme en atteste notre archive du jour. Au problème quantitatif de l'eau peut se rattacher celui posé par les zones humides, particulièrement menacées par les drainages et les assèchements. Cette tendance à la suppression des marécages n'est pas récente et remonte même à la plus haute antiquité. La théorie qui présidait à cette transformation systématique des habitats aquatiques était basée sur le fait que l'on estimait que la meilleure manière d'en tirer parti était de les assécher. Dans certains cas, peut-être, cette solution est-elle valable, pour des raisons agricoles impératives ou pour des raisons sanitaires. Mais dans beaucoup d'autres, on peut en tirer un parti avantageux en les conservant ou en les aménageant. Tout ceci peut paraître un peu révolutionnaire et nos auditeurs seront sans doute un peu surpris que les zones humides sont des ressources naturelles de grande valeur scientifique, économique, touristique et morale. Voilà, extrait de l'heure de la culture française sur la radiodiffusion française. Nous sommes le 3 juin 1967. C'est intéressant parce que ça dit bien le changement de perception qui se produit au cours du XXe siècle de ces zones qu'il a fallu assécher de tout temps précisément parce qu'elles avaient bien, voilà, elles étaient porteuses de miasmes, d'insectes, etc. Et d'un seul coup, on se rend compte finalement de leur valeur écosystémique importante, Delphine Gramont. Oui, tout à fait. En fait, dans l'histoire environnementale des zones humides, il y a eu beaucoup de travaux d'historiens qui ont tracer ces temps forts des liens entre les zones humides et les sociétés. Et dans ces temps forts, schématiquement, on a le lien, vous en avez parlé en introduction, des premières installations des civilisations. Donc la zone humide était une ressource, mais vécue comme source. Et puis ensuite, il y a eu toute cette phase du 12e, où 1950 à peu près peut être un jalon, où effectivement les zones humides ont eu on a porté sur les zones humides un regard suspicieux de zones malsaines, de zones impropres, avec des eaux qui étaient malodorantes, avec tout ce qui était foyer d'épidémie. Et de fait, le changement de regard s'est opéré au cours du XXe siècle et à peu près à la dernière moitié du XXe siècle, donc avec plusieurs rapports et notamment plusieurs mouvements dont on pourra reparler certainement, dont les ornithologues qui ont joué un rôle important pour faire de ce milieu un symbole et aussi de milieu en déclin, mais de le mettre en valeur. Donc la prise de conscience, elle a été progressive, mais Elle date à peu près, oui, vous venez de le dire, du milieu du XXe siècle. Gudrun Bornette, votre réaction justement à cette archive et à ce changement de perception qui s'est opéré dans la deuxième moitié du XXe siècle? Je pense en très peu de phrases, ce monsieur, il a un peu tout dit. Et en même temps, il a oublié des éléments importants que ma collègue a souligné. En fait, c'est vrai que depuis que l'homme cultive la terre, c'est-à-dire depuis qu'il est agriculteur ou éleveur, il est confronté à trois questions autour de l'eau. C'est comment gérer la ressource en eau, c'est-à-dire comment disposer de ressources en eau en quantité suffisante et pendant les périodes de carence. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'eau comme moyen de production? On oublie un petit peu en Europe parce qu'on a un peu trop tendance à ne plus utiliser les zones humides ou les milieux aquatiques comme source de nourriture, mais dans beaucoup de pays, ces zones humides sont des sources de nourriture très importantes, hein, à la fois de végétaux, d'animaux, donc pour la pêche, la chasse, voilà. Et puis, le troisième chose, ben, vous l'avez dit aussi, c'est limiter les nuisances. Alors, il y a deux types de nuisances. Il y a les nuisances sanitaires. Hein, l'humidité favorise la survie d'un certain nombre de pathogènes. On pense au choléra, mais on pense aussi aux moustiques, etc. Et puis, le potentiel agricole est diminué par ce qu'on appelle l'hydromorphie, c'est-à-dire le fait que le sol soit saturé en eau, ce qui est typique des zones humides. Et donc, un paysan avait tendance à vouloir contrôler l'hydromorphie du sol pour pouvoir cultiver en toute sérénité. Donc ces trois facteurs-là, effectivement, c'était des facteurs qui motivaient ces agriculteurs dès qu'ils ont commencé à exploiter les terres. Et ils ont fait ça à partir du néolithique, je dirais. Le problème, c'est qu'au cours du XXe siècle, ils ont eu des moyens de contrôle de l'hydromorphie, de contrôle des formes qui ont été complètement multiplié de manière exponentielle avec le pétrole et avec les outils qui permettaient d'agir directement et de manière extrêmement puissante sur les cours d'eau et sur les masses d'eau. Qu'est-ce qui va se passer au cours du XXe siècle et de cette deuxième moitié du XXe siècle pour que l'on réalise à quel point ces zones humides, d'une, sont fragiles et deux, sont nécessaires, Delphine Gramont? Alors, d'une part, des constats de dégradation et de perte en zone humide. Donc, je parlais tout à l'heure des ornithologues, mais c'est vrai qu'autour des naturalistes, et notamment liés aux migrations d'oiseaux, il y a eu beaucoup de constatations, d'observations qui montraient que ces milieux avaient tendance à décliner, voire à régresser, voire à disparaître et à effacer des paysages. Et donc, il y a eu plusieurs rapports qui ont montré, à la fois au niveau mondial comme à l'échelle française, qu'il y avait un déclin. Donc, je citerai là, ce qui est le cas de la France, le rapport Bernard qui faisait ce constat de disparition de deux tiers des zones humides sur le XXe siècle et notamment 50% entre 1950 et 1990. Ça a été là aussi un jalon de mise en place de programmes comme le programme MAR qui est le prémisse finalement à la convention de Ramsar. Mmh. Donc un milieu qui tout d'un coup est porté à l'attention du public et une conscience qui s'élève de façon internationale autour de ce milieu particulier. On peut dire un mot peut-être effectivement de cette convention de Ramsar qu'on appelle plus généralement la convention sur les zones humides qui date de 1975, qui aujourd'hui, c'est cela, hein, je parle sous le contrôle 71, pardon, Gaudron de Mornette. Comment est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qu'il y a dans cette convention, pourquoi est-ce qu'elle est importante justement sur le changement de perception que l'on en a et sur le début des actions de conservation, même si on va en reparler dans un instant, encore beaucoup de destruction dans les années qui suivent jusqu'à la fin du XXe siècle. Ouais, en fait, je pense que tout le XXe siècle a été une, comment dirais-je, les zones humides disparaissent depuis que l'homme cultive la terre, mais le XXe siècle a donné des moyens techniques à l'humain qui ont été sans commune mesure avec ce qu'on avait vécu dans les situations précédentes. Et comme l'a dit ma collègue, ben ça a été le corollaire, ça a été un effondrement de la biodiversité et des services associés. Et donc les gens se sont mobilisés parce qu'ils voyaient s'effondrer la biodiversité. Donc les oiseaux, effectivement, c'est hautement symbolique. Il y a une grande diversité d'oiseaux qui colonisent les zones humides. Et le fait que les gens ne voient plus ces oiseaux, le fait que les populations s'effondrent, ça a généré une prise de conscience. Il y a aussi les grands aménagements des cours d'eau qui ont été très utiles pour produire de l'électricité, hein, mais qui ont complètement altéré le fonctionnement des grandes vallées alluviales. Et là aussi, il y a eu une prise de conscience que ces zones humides, il y avait un problème, c'est-à-dire qu'elles étaient en train de disparaître à vitesse extrêmement forte, et tous les services qui allaient avec, donc tous les usages que les gens en avaient dans les vallées alluviales, par exemple, disparaissaient avec. Et puis, c'est l'époque de l'émergence, les années 70, c'est l'époque de l'émergence des engrais azotés, et puis des lessives, des engrais azotés, phosphorés, des lessives, phosphates. Voilà. Et ça, eh bien, c'est aussi quelque chose qui a entraîné des bloom algaux absolument catastrophiques, et les gens ont vu, sous leurs yeux, les poissons mourir, les invertébrés mourir, les oiseaux quitter les zones humides. Et ça aussi, ça a été des signaux visuels qui ont entraîné finalement une prise de conscience assez générale de la nécessité de légiférer sur ces questions-là. On va revenir sur tous les dangers, toutes les menaces qui ont pesé, qui pèsent encore sur ces zones humides. Peut-être un dernier mot d'introduction pour donner la mesure de leur fragilité et de l'effondrement de ces écosystèmes. Vous le disiez à l'instant, Delphine Gramont, en France, la moitié des zones humides qui disparaissent entre 1950 et 1990, donc en 40 ans. Le rapport que je citais en introduction de l'IPBES sur la biodiversité indique que par rapport à l'ère pré-industrielle, jusqu'à 87% des zones humides de la surface de la Terre ont disparu ou été profondément bouleversées. Ça veut dire que c'est l'ampleur de la modification. Enfin, c'est des chiffres qui sont très très saisissants. Très saisissants. Les zones humides sont très variées, très variables et répondent un petit peu différemment en fonction des typologies. Mais c'est vrai que de fait, globalement, on a une perte en zone humide qui est mondiale, puisqu'elle se trouve sur toutes les zones climatiques, mais qui est mondiale et dont on connaît quelques facteurs prépondérants. Gudrun Bornet, sur ces chiffres? Il y a la besoin de, pour les gens, de l'augmentation des populations, qui a aussi la colonisation des vallées alluviales pour l'agriculture, qui font que de plus en plus les gens ont grignoté ces surfaces humides. Et finalement, oui, ça a été extrêmement rapide. La production d'électricité, tous ces facteurs ont agi en synergie avec des moyens, encore une fois, techniques colossaux, et ça a été extrêmement vite. Et effectivement, à la surface de la planète complète. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h12 sur France Culture, nous parlons donc des zones humides tout au long de cette heure en compagnie de Delphine Gramont et de Gudrun Bornet. Alors on parle de zones humides au sens large et en même temps cette terminologie regroupe des écosystèmes tellement différents que j'ai envie de vous demander à l'une et à l'autre sur quoi est-ce qu'il faut s'accorder, qu'est-ce qui définit, quel est le dénominateur commun à ces différents écosystèmes, Delphine Gramont. Alors effectivement la question est simple mais la réponse est compliquée quand on parle de zones humides parce qu'elles sont variées et variables et elles représentent une biodiversité de paysages qui va d'un système avec de l'arbre ou avec de l'herbe ou encore avec des mousses si on pense aux tourbières ou aux mangroves si on pense aux arbres. Donc d'un point de vue de la diversité paysagère, c'est extrêmement varié. Par contre, on les reconnaît sous ce vocable de zone humide pour principalement une raison et un point commun. Donc, c'est un milieu d'interface, mi-eau, mi-terre. Et donc, la présence d'eau est un dénominateur. Donc, la présence d'eau visible ou invisible, c'est-à-dire en surface ou à proximité, avec des spécificités corollaires sur des sols très chargés en humidité et une flore qui est adaptée à ces milieux et très particulière à ces milieux. Gudrun Bornet. Oui, une flore et une faune, en l'occurrence, avec effectivement un certain nombre d'espèces qui sont complètement inféodées à ces systèmes, et systèmes qui peuvent être à la fois variables dans l'espace, c'est-à-dire qu'en fait une zone humide se contracte ou se rétracte en fonction de la saison, en fonction de la pluviosité, et donc dans le temps, forcément. Hein. Donc en fait, ça veut dire que ces organismes qui vivent dans ces systèmes sont capables de faire face déjà à la présence d'eau de manière quasi chronique, et aussi à la variation de cette présence d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement particulier et qui exige un certain nombre d'adaptations qui sont réellement uniques à ces systèmes-là. Pour essayer de faire un petit tour d'horizon de ces différents écosystèmes, on pense, quand on pose zone humide, en général c'est vrai qu'on pense plutôt marécage eau douce, néanmoins il y a des zones humides, quasiment 10% de ces zones humides qui sont de l'eau salée. Oui, tout à fait. Donc, il y a les zones d'interface, les eaux salées. Donc, sur les littoraux, vous avez des zones humides telles que les mangroves dans les zones intertropicales, les marais maritimes également, qui sont là encore un type de zone humide avec de l'eau saumâtre. Et puis, il y a aussi des systèmes où l'eau est encore plus salée, donc les bords de lacs ou lagunes. Gudrun Bornet, on parle aussi de zones humides pour tout ce qui concerne, et ce sera important, on en parlera tout à l'heure, l'abord des cours d'eau, mais ça correspond aussi à l'eau stagnante, aux lacs, aux rivières. J'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir une sorte de panorama, parce que en écologie, on dit que évidemment chaque écosystème a ses caractéristiques et des caractéristiques qui sont très précises, très définies, et j'aimerais vraiment qu'on essaye de faire le tour un peu des caractéristiques communes à ces écosystèmes qui sont aussi différents que un marais salant ou une source de montagne. En fait, le problème, c'est que ce terme, il a été défini pour accrocher derrière un certain nombre de protection, hein, de connaissances liées à ces systèmes. Mais la diversité des zones humides est à peu près aussi grande que la diversité des écosystèmes terrestres. Et donc, de mettre une étiquette simple sur une variété aussi grande de systèmes, c'est très difficile. Quand vous êtes au milieu de la France, dans la Dombe, les zones humides, c'est des étangs peu profonds, artificiels. Par exemple, hein. Quand vous êtes au bord d'un fleuve comme le Rhône ou comme la Garonne, quand vous rencontrez un étang, il y a des chances que cet étang soit un ancien bras fluvial qui n'aura pas les mêmes caractéristiques, le même fonctionnement, ni la même biodiversité d'ailleurs. Quand vous êtes au bord de la Méditerranée, aux alentours de Sète, vous allez rencontrer ces grandes lagunes de ces bords de mer qui sont aussi des zones humides. Donc vous voyez. Sous cette appellation zone humide, on a des eaux qui sont plus ou moins temporaires, plus ou moins salées, plus ou moins chaudes, plus ou moins chargées en nutriments, plus ou moins stables en termes de profondeur, plus ou moins parcourues par les crues, voilà, etc. Et donc, du coup, une typologie ou une définition simple, eh bien, dans Ramsar, c'est la présence d'eau avec des profondeurs, je crois que c'est de 0 à 6 mètres. Donc, vous voyez, ça n'a pas grand sens. Hein. 6 mètres de profondeur, c'est énorme. C'est un lac, ça peut être un lac peu profond. Voilà, donc, c'est la difficulté de définir ces zones humides en termes de périmètre et puis en termes, encore une fois, d'espace. Quand vous êtes un géographe, vous avez des difficultés folles à définir spatialement la zone humide parce que, justement, en termes de surface, elle peut varier aussi. Et ça rend le problème et l'appréhension du problème très difficile. C'est-à-dire qu'il faut plutôt comprendre cette terminologie de zone humide comme une nomenclature qui a été créée pour les préserver, c'est-à-dire à vocation écologique. Alors, pour les cartographier, pardon. Oui, Delphine Gramont et puis Gudrun Bornet, allez-y. Oui, c'est ça, pour les identifier, puis ensuite les inventorier, les cartographier, pour donner des chiffres, comme vous les avez cités tout à l'heure, il faut essayer d'avoir un diagnostic, donc pour faire ces diagnostics, on doit essayer de les délimiter. Et là, le législateur a besoin de repères, donc on s'est fié à des critères, donc des critères sur la nature des sols, la nature écologique, mais on s'est aussi rendu compte que parfois c'était pas opérationnel et qu'il y avait aussi des critères d'identité, on a parlé de la Brenne, de la Sologne, il y a des critères d'identité qui impose des limites floues, mais les milieux sont flous par nature, donc c'est vrai que ces limites floues, il faut pouvoir les appréhender. Il y a des limites intuitives à ces milieux et qui parfois peuvent rendre difficile la lecture de la définition de la convention de Ramsar par rapport à celle de la loi sur l'eau en France, par exemple. Gudrun Bornet. Ouais, je pense que la limite intuitive, je pense que j'aime beaucoup ce terme parce qu'en fait, effectivement, quand on est un écologue et qu'on arrive à proximité de ce qu'on pourrait appeler une zone humide en termes administratifs, on sait tout de suite qu'on a affaire à une zone humide. Ça se voit. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'espèces qui sont pas toujours les mêmes, hein, mais qui sont caractéristiques de milieux hydromorphes au moins une partie de l'année, et ça, on le repère immédiatement, en particulier chez les végétaux. Vous avez utilisé une distinction aussi importante, Gudrun Bornet, tout à l'heure, celle de zone humide naturelle et de zone artificielle. C'est une distinction qui fait débat un peu hein, chez les géographes, en disant, finalement, toute zone humide est artificielle, ou alors elles sont toutes naturelles. Est-ce que c'est une zone opérante aujourd'hui? Et c'est vrai qu'on pense beaucoup, notamment quand on parle de zone artificielle, des grandes rizières ou des zones humides artificielles qui sont utilisées à but bien d'exploitation agricole notamment. Alors, je ne sais pas si j'ai utilisé le mot artificiel. J'aurais si, plutôt. Alors, je retire ce mot. Et, excusez-moi. Et je préférais le terme d'origine anthropique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de zones humides en France qui sont d'origine anthropique. Voilà. On parlait des étangs. Hein, il y a un certain nombre d'étangs qui sont d'origine anthropique et qui ont été créés au Moyen-Âge pour des fonctions bien particulières, des services bien particuliers. Il y a beaucoup de tourbières en montagne qui ont été créées pour de services d'approvisionnement en eau, pour le service d'approvisionnement en tourbe, en lèche, hein, parce qu'on avait besoin de ces produits issus de la tourbe, issus de la tourbière, et ces zones humides artificielles existent, et elles fonctionnent, enfin d'origine anthropique, elles existent, elles fonctionnent très bien, hein, et à condition qu'on préserve un certain nombre de pratiques qui sont anciennes et qui les maintenaient, en fait. Delphine Gramont, sur cette distinction. Alors, la notion d'artificiel nous devient souvent de la définition de Ramsar qui utilise le terme, donc on a tendance à le prendre, mais je pense que dans l'interprétation, on est assez d'accord avec ma collègue sur l'origine et les héritages qu'il y a derrière chaque zone humide avec des histoires, des géologies, des écologies et des jeux d'acteurs qui sont à chaque fois propres à la zone humide dont qu'on étudie. Donc, c'est vrai que cette dimension origine anthropique, logique anthropique, elle est à prendre en compte. Donc, c'est de l'exploitation de milieux. Donc, on va essayer de désimbriquer, mais c'est impossible, ces différentes dimensions, elles sont totalement liées. Mais ça va être intéressant hein, quand on va étudier tout à l'heure et explorer justement ce que sont les modifications anthropiques de ces zones humides, en sachant qu'elles étaient à l'origine déjà des modifications anthropiques de milieux dits cette fois-ci naturels. Mais vous avez parlé de quelque chose d'intéressant, encore une fois, Gudrun Bornett, sur lequel j'aimerais que vous nous donniez quelques explications. C'est que effectivement, quand on parle des tourbières, quand on parle de ces endroits, elles ont un point commun, en tout cas ces zones humides, c'est que ce sont des endroits de forte production de biomasse. Donc ce sont des grands, ce qu'on appelle des pièges à carbone qui fonctionnent extrêmement puissamment, même plus puissamment pour certaines que la forêt amazonienne. Oui, oui. Alors bon, c'est même d'ailleurs un enjeu actuel extrêmement puissant, c'est de déterminer dans quelle mesure ces puits de carbone peuvent fonctionner correctement et quels sont les risques qui pèsent sur les fonctions de stockage de ces tourbières. En fait, dans la tourbière, c'est un système dans lequel la production de biomasse est supérieure à la décomposition de cette biomasse. Donc en fait, quand vous produisez plus que ce que vous consommez comme biomasse, ben finalement vous accumulez de la biomasse qui meurt, donc qui devient de la nécromasse. Et donc cette nécromasse s'accumule sous forme de tourbe dans les tourbières, dans la plupart des cas. Et cette tourbe, en fait, c'est quelque chose, c'est du végétal peu ou pas dégradé. Et ça peut constituer, c'est le pétrole qu'on utilise actuellement, hein, en milieu marin ou en milieu terrestre, le charbon. Finalement, ce sont d'anciennes zones tourbeuses dans lesquelles le carbone était piégé et qui a été plégié pendant 150 millions d'années, quoi. Donc en fait, c'est ça le principe de la tourbière, c'est de stocker plus que ce que les microbes consomment et donc vont renvoyer à l'atmosphère sous forme de carbone gazeux. Voilà. C'est très vrai pour la tourbière, c'est vrai pour d'autres zones humides, parce que ce sont des lieux où il y a beaucoup d'activités, où les écosystèmes sont très imbriqués, les écosystèmes végétaux avec les écosystèmes animaux, les écosystèmes de décomposition et de production de matière végétale. C'est vrai pour la mangrove. En tout cas, dans toutes les zones humides, en tout cas, il y a une vraie activité écosystémique très imbriquée et qui va expliquer aussi en partie, on en parlera tout à l'heure, sa fragilité ou leur fragilité. Oui, ça c'est un point commun qu'on retrouve sur les zones humides. Les tourbières, les mangroves sont parmi les plus importantes en termes de puits de carbone. Mais c'est vrai que cette spécificité d'avoir des sols très chargés en eau et donc pauvres en oxygène fait qu'il y a une très faible décomposition de ce carbone et qu'il y a un stockage donc cumulatif qui permet de les qualifier de puits à l'échelle par rapport aux autres écosystèmes. Donc on considère que les tourbières, c'est 30% du carbone dans les sols mondiaux, donc c'est important d'imaginer effectivement la potentialité derrière. Et puis un autre point commun de toutes ces zones, aussi diverses soient-elles, c'est un haut lieu de refuge de la biodiversité végétale et animale. On trouve une proportion d'espèces et de variétés d'espèces dans toutes ces zones humides, qu'il s'agisse de l'étang au fond du jardin que de la mangrove ou même des marais salants qui sont de l'échelle bactérienne jusqu'à l'échelle macroscopique vraiment impressionnante. Delphine Gramont. Oui, c'est une de leurs fonctions support, les réservoirs de biodiversité, puis d'une biodiversité particulière, on l'a dit tout à l'heure, un féodé qu'on ne retrouverait pas sur d'autres milieux et qui fait qu'aujourd'hui on considère qu'ils abritent ou que vivent ou se reproduisent à peu près 40% des espèces continentales. Donc beaucoup d'amphibiens évidemment, des libellules, des insectes et puis des poissons. Donc vous avez une grande biodiversité animale et également végétale, avec chaque type de tourbière a ses spécificités végétales. Et si on regroupe tout ceci, c'est l'un des hotspots de biodiversité. Les zones humides sont réputées pour. Oui. Gudrun Bornett sur la biodiversité. Alors, au-delà du nombre d'espèces qui est assez significatif, ce qu'il faut noter, c'est que ce sont des espèces qui ont des caractéristiques biologiques qui sont très particulières. Donc on parle d'amphibien. L'amphibien, c'est un animal qui a une partie de sa vie vit dans l'eau, est aquatique, et une partie de sa vie devient terrestre. Beaucoup d'insectes vivant dans les zones humides sont des insectes qui ont besoin d'eau pour réaliser leur cycle de vie et qui sont la plupart du temps sous forme de larves aquatiques. Hein, les libellules sont des insectes dont les larves sont aquatiques pendant 3 ans. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'espèces qui ont adapté leur cycle biologique à cette présence d'eau, et on utilise cette eau niche, mais en même temps sont capables de sortir de cette eau au moment de la phase de reproduction, en particulier pour les insectes, et donc de coloniser d'autres habitats. Et d'ailleurs, ça pose la question, et c'est ce qui fait aussi la fragilité de ces zones humides, c'est que ces zones humides abritent des espèces qui peuvent difficilement se déplacer d'une zone humide à l'autre. Pour qu'elles se déplacent, il faut qu'il y ait une circulation d'eau pour les espèces strictement aquatiques entre une zone humide et une autre. Donc se pose la question de la connectivité. Et de la fragmentation. C'est ce qu'on appelle, voilà, et de la fragmentation. On reviendra sur la fragmentation dans quelques minutes. J'aimerais qu'on dise un mot, parce que là on a fait une sorte de grande carte d'identité un peu vaste de cette notion de zone humide, et on en comprend un peu mieux et l'importance et, comme vous venez de le mentionner à l'instant, la fragilité. Peut-être faudrait... Je crois que c'est la convention de Ramsar qui définit, du coup, pour permettre la prise de conscience, la notion de service écosystémique de ces zones humides. Est-ce que cette notion de service écosystémique, elle est parfois un peu critiquée par les écologues, par les environnementalistes, en disant pourquoi faut-il chiffrer, pourquoi faut-il donner finalement des services concrets, bien peut-être pour aider à la prise de conscience collective, mais quels sont-ils finalement ces services, Delphine Gramont? Alors, les services, donc effectivement, ça émane du Millennium Assessment, donc c'est du début des années 2000, et l'idée donc de voir quelles sont les potentialités d'un milieu, donc c'était des logiques de compensation, souvent destruction de milieu, où on essayait donc par compensation de trouver quels étaient leurs services, et les zones humides donc remplissent effectivement un certain nombre de fonctions, et ces fonctions-là font que de zones humides hostiles, elles deviennent zones humides utiles. Aujourd'hui, on a de milieux contraintes, on est sur des milieux opportunités, pratiquement. Et outre la fonction réservoir dont on a parlé tout à l'heure, on a déjà évoqué les fossures de régulation avec le carbone. Mais il y a aussi d'autres aspects. Les services rendus sont des services d'approvisionnement en eau et puis également de limitation des extrêmes, donc des aléas hydro-écologiques comme les inondations. Donc on lui reconnaît ce rôle de zone tampon. Donc elle temporise les extrêmes, que ce soit crues ou étiages, ou elle temporise les tempêtes quand on pense aux mangroves sur les littoraux. Ou même à l'estuaire de la Gironde à Bordeaux. Avec la tempête Cynthia. Ouais. Donc les zones humides donc de type dunaire. Donc c'est une possibilité de réguler ces aléas hydroclimatiques. Et puis dans les autres fonctions qu'on leur reconnaît aussi, les fonctions nourricières dont on a parlé, donc avec les ceintures maraîchères qui sont souvent des zones humides. Et enfin, tout ce qui correspond aujourd'hui et qui est un service rendu sur lequel on a aussi une carte à jouer dans la discussion et dans les discours, c'est tout ce qui concerne les aménités, donc les services culturels, le fait que la zone humide devient une zone attractive, elle a été répulsive mais elle peut être une zone attractive, et donc toutes les aménités, l'idée du relassement ou du ressourcement autour de la zone humide est aussi un service qui est dans la liste de ceux qu'on reconnaît aux zones humides. Après, moi, en tant que géographe, c'est la question de la spatialité. Est-ce que c'est là où est la zone humide, ou est-ce que l'aire contributive, elle ne va pas au-delà de l'emplacement de la zone humide? Ces questions-là restent exploratoires. Gudrun Bornet. Oui, alors dans ces services ou fonctions, on peut toujours débattre de la notion de service et de fonction. Oui, le service, ça objectivise un peu la nature, alors oui, que il y a tout un débat qu'on a eu à ce micro, qui est un débat passionnant, d'avoir si le fait de demander des services, ça n'est pas effectivement mettre une sorte de rapport de supériorité de la nature. Bon, bref, c'est un autre débat que nous n'aurons pas aujourd'hui, mais qui est un débat passionnant malgré tout. Allez-y, je vous écoute. C'est un débat compliqué. Oui. Donc, en fait, je pense qu'il y a tout l'aspect de la ressource en eau qu'on oublie, mais on est de plus en plus confronté à des problèmes de ressources en eau, et ces zones humides contribuent à recharger les aquifères dans lesquels on prélève la majorité de nos eaux d'alimentation. Hein. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'elles rechargent ces nappes. Et puis la deuxième chose qu'elles font, c'est qu'elles nettoient cette eau. C'est-à-dire que quand une eau traverse une zone humide, elle se décharge en un certain nombre de composés qui peuvent être de l'azote, du phosphore, mais qui peuvent être aussi des composés toxiques. Donc la zone humide a un rôle essentiel dans le rabattement d'un certain nombre de substances polluantes et de bactéries d'ailleurs aussi, hein, qui sont susceptibles de constituer une nuisance pour les sociétés humaines. Donc il y a vraiment un certain nombre de fonctions qui sont essentielles et dont on se rend compte qu'elles ne sont plus assurées. Et donc l'homme est obligé de se substituer en mettant des systèmes de plus en plus complexes, de plus en plus coûteux, pour se substituer aux fonctions et aux services que les zones humides rendaient, quoi. Down. Born in the Bayou de Creedence Clearwater Revival sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons, eh bien oui, entre autres du Bayou, mais pas seulement, nous parlons des zones humides tout au long de cette heure, de leur complexité, de leur fragilité également, et de leur préservation. Nous en parlons avec Delphine Gramont, qui est biogéographe, maîtresse de conférence à la Sorbonne, et avec Gudrun Bornet, qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Besançon, et qui est écologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire Chrono-Environnement de l'Université de Franche-Comté. Et pour comprendre eh bien, la fragilité de ces écosystèmes et l'importance de leur préservation, nous sommes évidemment rendus sur une zone humide. Bonjour Noémie Naguet. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez mis vos bottes et votre imper et vous êtes rendu à Congis-sur-Thérouanne, c'est la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux, une zone humide artificielle qui est aujourd'hui préservée notamment pour la biodiversité qu'elle renferme. Oui Nicolas, initialement cet endroit était une carrière d'exploitation, mais à la fin du XXe siècle, une idée citoyenne de la part du village a émergé pour allouer cet espace à la nature et en faire une zone humide de 200 hectares que l'on peut même visiter aujourd'hui. J'y ai rencontré Jean Delannoy, le conservateur de la réserve, ainsi que Romain Huchin, qui est naturaliste et guide pour la réserve. Il s'occupe du suivi des populations d'oiseaux implantées sur le site, qui sont classées dans la liste rouge des espèces menacées de la région Île-de-France. Donc la réserve dans laquelle on se trouve aujourd'hui se situe dans les boucles de la Marne. Donc historiquement, de manière très ancienne, c'était un site agricole qui a une vocation minière qui s'est développée au cours du XXe siècle. Donc à partir de ce moment-là, il a commencé à y avoir une extraction carrière sur le site pour le sable et les graviers alluviaux qu'on peut trouver ici. Donc à la fin des années 90, l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France a acquis une grande partie du site et en 2012 a fait le choix du classement en réserve naturelle régionale des terrains qui étaient donc propriété de l'agence. Quand est-ce que les premières espèces sont apparues ici et quelles ont été les premières et comment elles se sont maintenues par la suite ? Quand l'exploitation a commencé, très rapidement, donc les étangs se sont créés hein, naturellement avec trois sources d'alimentation, bien sûr la nappe phréatique, la Marne par capillarité et la pluviométrie. Et donc, très rapidement, des espèces venaient ici, même pendant l'exploitation. Donc, certaines essences végétales liées aux zones humides, notamment les roselières, se sont épanouies ici. Et dorénavant, c'est un cortège, une douzaine d'espèces menacées et protégées qu'on accueille ici. La réserve est réputée pour sa population de gorges bleues à miroir. On peut également parler du blongios nain, qui est un tout petit héron inféodé aux roselières également. Parlons également depuis quelques années hein, de l'installation de la rousserolle turdoïde, on est très content de la voir, c'est une espèce qui est littéralement en danger critique d'extinction au niveau régional, au même titre qu'un couple de busards des roseaux, c'est un grand rapace, quasiment un tiers hein, dit-on des espèces animales et végétales hein, en France et dans le monde, ce sont des espèces qui deviennent de plus en plus rares, qui ont du mal à s'installer. Cette année, on a un mâle chanteur qui chante depuis plusieurs semaines, donc il y a de fortes présomptions hein, sur une nidification, c'est la locustelle lucignoïde. Donc au sud de la Loire, elle est relativement présente. Au nord, elle est beaucoup moins. C'est moins de 10 couples chaque année à l'échelle de la région Île-de-France. Ah, écoutez, on entend la grenouille rieuse. Ouais, une des 5 ou 6 espèces d'amphibiens de la réserve du Grand Voyeux. Donc voilà, tous les amphibiens en France sont dorénavant protégés. Donc c'est une espèce ici qu'on s'évertue à protéger dans les meilleures conditions possibles. Et là, vous avez le balai également d'une espèce d'oiseau strictement inféodé aux zones humides. C'est la sterne Pierre Garin. C'est comme une petite mouette, très fine, avec des ailes assez longues et filées, capable de faire des très longues migrations. Et ici, on accueille entre 4, 5 et jusqu'à 10 couples chaque année en nidification. Son statut en Île-de-France est classé espèce vulnérable. Qu'est-ce qu'on entend là ? On entend la rousserolle turdoïde qui chante, une espèce en danger critique d'extinction au niveau régional. Et donc cette année, on est très surpris et très ravis d'avoir deux mâles chanteurs qui ont l'air de s'implanter durablement sur la réserve du Grand Voyeux. Comment effectuez-vous le suivi de toute cette biodiversité au quotidien ? Des protocoles sont mis en place en accord avec l'Agence des espaces verts. On a un protocole pour les espèces paludicoles, donc liées aux roselières, et on va faire plutôt des points d'écoute. Alors forcément, on va en voir quelques-unes, mais c'est souvent des espèces extrêmement discrètes. Par contre, ils vont chanter généralement très tôt le matin, 6h, 7h, 8h du matin. On essaye de localiser hein, de façon auditive ce qu'on arrive à entendre. Et on fait ça, on répète ça tous les semaines, 10 jours, sur toute l'intégralité de la période de reproduction. Ce qui fait qu'à la fin, on se rend bien compte que sur, en faisant des cartes, des points sur les cartes, on arrive à localiser précisément chaque mâle chanteur, ce qui correspond généralement à un couple installé. Et c'est comme ça qu'on procède pour pouvoir estimer la population sur l'ensemble de la période de reproduction. Et quel type d'oiseaux migrateurs vous avez par ici ? On peut citer pas mal de limicoles, donc des petits échassiers hein, comme les chevaliers, les bécassos. On a également des grands rapaces, on a le balbuzard pêcheur. On s'attache à connaître et inventorier l'ensemble de la biodiversité, pas que les oiseaux, mais on a également donc pas mal d'espèces d'amphibiens. On a 6 à 7 espèces d'amphibiens, notamment le pélodite ponctué. Il y a encore une petite population qui se maintient sur la réserve. On a également quelques espèces de tritons, dont le triton crété. On a quelques espèces de libellules tout à fait remarquables ici également, comme la leucorine. Enfin bref, c'est toute la biodiversité qui s'y épanouit et c'est toutes des chaînes alimentaires qui se mettent en place dans un écosystème tout à fait remarquable. Au quotidien, quels sont les défis et les enjeux pour maintenir ce site en bonne santé ? Donc on va axer des travaux de gestion sur différents objets. Travailler à la conservation des roselières, ça veut dire gérer en partie les niveaux d'eau. Quand à certaines saisons, les niveaux sont trop hauts, ça va consister en une baisse de ces niveaux d'eau, donc laisser l'eau s'écouler depuis la réserve vers la Marne voisine pour avoir des niveaux d'eau qui permettent l'accueil des espèces, ou au contraire fermer ces vannes qui permettent de maintenir suffisamment d'eau dans la réserve et donc de maintenir les milieux dans une bonne santé, dans un bon état de conservation. Ça peut consister à réaménager des milieux. Ça fait partie par exemple des gros travaux de gestion qu'a entrepris l'Agence des espaces verts l'année dernière avec le recreusement de certaines mares, le réaménagement de certaines roselières. Et après, comme notre objectif est vraiment de réussir à conserver ces roselières, ça va être de faire des interventions pour éliminer les saules qui sinon entraîneraient une fermeture complète et une évolution de la roselière vers la forêt. Et donc, si ce cas de figure se produit, c'est une disparition du cortège d'espèces associées. En plus de ça, pour maintenir certains milieux relativement ouverts, on a un troupeau de moutons qui pâturent sur le site. Donc tous les ans, le troupeau est déplacé sur différentes parties du site et du côté de la réserve, ça permet d'avoir réellement une plus-value en termes de protection et d'entretien des milieux. Voilà une petite visite rafraîchissante en ces temps caniculaires dans la réserve naturelle du Grand Voyeux, non loin de la Marne. Peut-être simplement une réaction l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Delphine Gramont. Alors on a là un exemple typique de zone humide d'origine anthropique et qui reste en entretien anthropique jusqu'au bout, mais un de ces exemples de réaménagement d'une carrière, mais dans un milieu qui sont des conditions favorables pour la zone humide. On reste en annexe hydraulique, on reste dans la plaine alluviale, donc on voit que l'opération est assez efficiente et qu'on a un retour donc de ce qui est la cible, c'est-à-dire la biodiversité, alors à la fois les oiseaux, mais également les amphibiens, et puis petit à petit on a tout le cortège et la chaîne alimentaire. Donc ce type de suivi post-aménagement est très intéressant pour nous puisque ça nous permet de voir les retours d'expérience et surtout l'efficience de ces opérations. On montre aussi par cet exemple qu'il y a une nécessité de gestion puisqu'on cible et on fixe un objectif à cette réserve naturelle et donc on empêche par la gestion à la zone humide d'opérer sa dynamique progressive, donc de la roselière de passer à un enfrichement à la saule, ce qui est sa dynamique naturelle. Mais là on a un objectif et on entretient dans une visée très particulière, donc de gestion. Donc ça montre un enfrichement au sol, vous pouvez nous expliquer en saule, pardon. C'est la logique fait qu'effectivement vu la variation des niveaux d'eau, le roseau petit à petit est une espèce donc relativement pionnière, donc qui s'installe assez facilement dans ces conditions, mais qui laisse place après dans la dynamique de végétation à des espèces comme les arbres, donc le saule, l'aulne, le peuplier, qui sont très fréquents dans ces zones-là et qui progressivement vont arriver à une forêt alluviale et éventuellement à la terrestrialisation d'une zone humide, ce qui est une logique aussi de la zone humide elle-même. Mais là, on a un objectif très ciblé d'opérer sur un cortège de biodiversité, donc d'amphibiens et d'oiseaux. Donc on maintient un milieu ouvert en associant, et ce qui est une très bonne idée, donc l'ovin ici. Gudrun Bornet. En fait, je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites par cet intervenant. En fait, la première chose qu'il a dit, c'est qu'effectivement, on est dans une restriction tellement fondamentale du nombre de zones humides et de leur surface qu'on est obligé de, autour des reliquats de zones humides qu'on a ici, parfaitement artificielle. C'est une extraction de granulats en lit mineur, apparemment, ou en lit majeur. On est obligé, ben, finalement, de gérer ce milieu de manière à préserver un certain nombre de populations d'espèces qu'on considère comme patrimoniales. Ça ne devrait pas avoir lieu dans un système fluvial qui aurait sa dynamique propre, c'est-à-dire que l'homme, à force de grignoter sur les vallées alluviales, a finalement empêché les vallées alluviales les rivières de se déplacer dans leur lit, de créer naturellement des zones humides qui auraient pu, ou qui normalement suivent leur propre évolution, et donc le devenir d'une zone humide naturelle, c'est de devenir terrestre, hein, c'est-à-dire de disparaître, sauf si la rivière, dans le cas présent, ou une autre énergie, ça peut être des pratiques anthropiques qui vont curer ou autre chose, contribue à empêcher cette succession naturelle, ce remplacement progressif d'espèces, ce comblement par de la matière organique de se réaliser et de conduire à ce plan d'eau, donc ici une gravière, vers une forêt alluviale, puis une forêt de bois dur, hein, dans les successions classiques qu'on rencontre dans un étang, par exemple. Donc en fait, on est dans une situation... Je pense que tout est dit, la situation est relativement critique, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire un petit peu du jardinage écologique parce qu'on n'a pas le choix, parce que l'espace laissé à ces zones humides est très restreint. Oui, ce sont des situations d'urgence, selon vous. Pourquoi, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi ces zones humides sont-elles à ce point-là fragiles? Pourquoi ces équilibres écologiques ne sont-ils pas plus résilients que ça? Ou alors le sont-ils et avons-nous poussé le bouchon tellement loin qu'on a complètement détruit toute possibilité de résilience, Gudrun Bornet? Ben en fait, c'est des écosystèmes qui n'ont pas une durée de vie très grande. Hein. Ça dépend de leur profondeur, bien sûr, et puis de la vitesse avec laquelle le comblement va s'effectuer. Mais c'est des écosystèmes dont la durée de vie va pouvoir, on peut imaginer, moins de 100 ans. Hein. Mm-hmm. Donc, vous imaginez que dans un système comme ça, dans lequel il n'y a pas recréation naturelle ou d'origine anthropique de zones humides, eh bien... Là, on a une érosion assez rapide du nombre d'écosystèmes et donc de la biodiversité qui va avec. Donc dans une rivière qui fonctionne bien, excusez-moi. Allez-y, au contraire. Un petit raisonnement. Non, bien sûr. Donc dans une rivière qui fonctionne bien, eh bien en fait on a des zones humides qui sont créées en permanence par la mobilité de la rivière et ces zones humides ont tous les âges possibles. D'une zone humide juste abandonnée par la rivière, donc un ancien bras de rivière juste abandonné, jusqu'à une zone humide très ancienne qui va être quasiment colonisé par la forêt. Et quand tous ces âges coexistent dans une même vallée alluviale, à chaque fois que la rivière déborde, eh bien, elle entraîne le déplacement des organismes entre ces différents compartiments et donc maintient à l'échelle de la vallée alluviale une biodiversité extrêmement élevée. Et ça n'existe plus en Europe, ou très très peu, en fait. Et du coup, on essaye dans les petites parcelles, les petites zones où, dans lesquelles on a encore un petit peu de système aquatique, de créer les conditions favorables pour l'établissement des espèces. Et vous avez entendu la personne qui a été interviewée. Toutes les espèces dont elle parle sont en danger d'extinction à plus ou moins longue échéance. Donc on est vraiment en train d'essayer de sauver un patrimoine naturel, un patrimoine biologique de manière extrêmement offensive parce qu'on n'a pas de choix, quoi. Delphine Gramont. Je rejoindrai cette idée. C'est vrai que les zones humides interfacent dans l'espace entre terre et mer, mais interfacent dans le temps aussi entre un milieu aquatique et un milieu terrestre. On retrouve cette notion d'interface sur les deux dimensions. Et si on reste sur l'exemple qui est donné de vallées alluviales, donc effectivement, ça fait partie de l'hydrosystème, la zone humide, et donc ça fonctionne avec le cours d'eau, les annexes et la nappe en particulier. Donc quand les déplacements des cours d'eau se font, les zones humides se créent, disparaissent, et c'est une logique assez bien connu sur le temps long. Après, il y a parmi ce qui a menacé les zones humides, il y a tous les aménagements sur les cours d'eau et notamment le creusement des lits qui ont fait abaisser la nappe et qui ont fait que cette connectivité aux annexes hydrauliques s'est perdue. Donc souvent, on a perdu des zones humides un peu plus rapidement parce qu'il y a eu ces aménagements hydrauliques qui ont soit limité les flux hydriques et font abaisser la nappe, soit provoqué une rupture et une fragmentation du système, si bien que les zones humides autour du cours d'eau, donc les roselières, n'avaient plus assez de, finalement, de en tout cas de semences et puis se sont fractionnées petit à petit au long de l'histoire. Alors justement, comment faire aujourd'hui? Alors il y a cet exemple hein, qui est de recréer des zones humides de façon anthropique. Il y a tout de même des actions de préservation qui sont possibles. À quelle échelle est-ce qu'il faut jouer à l'échelle locale, c'est-à-dire zone humide par zone humide? Est-ce qu'il y a des directives à prendre à l'échelle nationale, voire internationale? Est-ce que cette convention de Ramsar, qui est signée par, je crois, aujourd'hui 170 pays, a eu des conséquences concrètes, des répercussions directes sur le terrain. Comment faire pour préserver ces écosystèmes si fragiles, Gudrun Bornet? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a des mesures qui sont faites, mais alors là, il y a toujours une chose un peu compliquée à mettre en œuvre, c'est que les méthodes de compensation, c'est-à-dire de faire disparaître une zone humide, d'en créer une autre ailleurs, ça suppose que le fonctionnement de la zone humide reconstruite sera le même que celui que celle qu'on a détruite ou relativement proche. Or, le problème, c'est que le fonctionnement d'une zone humide, c'est très contexte dépendant. Et la biodiversité associée, les services qu'elle va rendre vont être très contexte dépendants. On a parlé de dynamique fluviale. C'est un premier élément, hein, c'est comment la rivière bouge. Est-ce que la zone humide est dans un contexte fluvial? On a parlé de nappe. Quelle est la nappe qui l'alimente, qui alimente la zone humide? Quelle est la qualité de cette nappe? Ça, c'est très important. Ça va vraiment contrôler la zone humide. Quelles sont les pratiques dans le bassin versant de cette zone humide qui vont définir la qualité des eaux et donc les peuplements qu'on va rencontrer dans cette zone humide? Et vous voyez, tout ça, ça va jouer sur, finalement, le fonctionnement de la zone humide. Donc, une zone humide n'est pas homologue à une autre. Et du coup, on est souvent en train d'essayer de préserver celle qui existe. Parce que, on sait bien que le contexte fonctionnel, le contexte de fonctionnement de ces zones humides-là est tellement particulier que, ça va être très difficile de faire la même chose ailleurs. Voilà. Et du coup, il y a souvent des conflits d'usage parce que, une route, elle va passer au milieu de la tourbière et quoi qu'il arrive, ça coûterait trop cher de la déplacer. Donc, on met en place des mesures de compensation, on va créer des zones humides ailleurs, mais ce sera manifestement pas les mêmes fonctionnements. Et donc là, on rentre dans des problématiques d'écologie et c'est des problématiques compliquées parce que ça veut dire qu'il faut comprendre comment le système fonctionne en interaction avec les pratiques agricoles, les agglomérations, les rejets des agglomérations, les nappes et la dynamique fluviale s'il y a un fleuve. Donc vous voyez, tout ça rentre en interaction et du coup, les compensations sont très difficiles à réaliser pour ces zones humides. Voilà. Malgré tout, ça existe, la loi existe, c'est possible de le faire, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Delphine Gramont. Oui, suite à la loi sur l'eau et notamment donc la loi sur l'eau, la dernière qui allie à la fois l'eau et les milieux aquatiques, donc qui englobe aussi cette dimension zone humide. Date de? Alors 2006 sur la dernière révision, ça permet de mettre des plans d'action qui sont liés aujourd'hui beaucoup aux travaux de restauration, de réhabilitation de zones humides où par le génie végétal on va reconstruire des zones humides là où le contexte s'y prête, donc je pense aux vallées alluviales et aux bords de cours d'eau où on va réaménager les berges pour que de fait les zones humides soient à nouveau présentes et qu'il y ait un équilibre entre le cours d'eau et ses annexes hydrauliques qui se fasse de manière un peu plus fluide. Donc on a parfois de la recréation de zones humides ou par processus de compensation comme l'a dit ma collègue. Néanmoins, à l'échelle disons nationale ou internationale, on sait, vous parliez à l'instant Gudrun Bornet, de la question et du problème, on l'a évoqué, de fragmentation de ces zones humides, la fragmentation des habitats qui est très très nuisible, on le sait, à la biodiversité. On pense aussi là à un exemple extrêmement récent des précipitations records dans le Midwest des États-Unis qui ont provoqué le ruissellement de plusieurs tonnes d'engrais et d'eau usée vers les océans. Les images satellites sont vraiment absolument édifiantes. C'est une espèce de zone complètement dévastée sur une échelle extrêmement importante, avec là, une fois de plus, bien pointé du doigt, l'usage des engrais agricoles, des pesticides, dont on sait que la production continue à la hausse malgré tous les plans de limitation de leurs usages, que ce soit au niveau national et international. Est-ce qu'il ne faudrait pas que cette convention de Ramsar soit peut-être plus contraignante? Est-ce qu'il y a des méthodes pour essayer d'éviter de se retrouver dans ces situations-là, Delphine Gramont? Alors, je ne sais pas si la Convention de Ramsar est l'outil qui permettrait de légiférer et d'opérer sur ce type de problématique. Maintenant, sur cet aspect de dégradation, puisque parfois, c'est plus de la perte que de zones humides que l'on a, mais c'est de la dégradation que l'on observe sur les dernières décennies. Cette dégradation, effectivement, comme vous le dites, c'est un problème de concentration en polluants. La zone humide, c'est souvent un point bas dans le bassin versant, voire le dernier, si on pense à la lagune qui est vraiment juste avant de partir en mer. Du coup, c'est un réceptacle de toutes ces eaux chargées donc en engrais ou tout ce qui est en pollution et qui est plus ou moins soluble et qui vont se retrouver dans les zones humides, provoquant leur eutrophisation, donc provoquant un développement et une dynamique rapide qui donc la dégrade. Donc c'est pas une perte en superficie, mais c'est une perte en qualité qui impacte la biodiversité et qui impacte toutes les fonctions que l'on reconnaît aux zones humides. Donc ça, c'est un point sur lequel, effectivement, la Convention de Ramsar, elle joue plus, à mon sens, sur la sensibilisation d'un milieu qui est riche en termes de biodiversité. Et derrière, il y a d'autres instruments qui peuvent agir sur la protection à l'échelle des États, plutôt. Gudrun Bornet. Oui, il y a eu beaucoup de politiques offensives pour restaurer les zones humides, avec des résultats mitigés. Hein. Donc, il y a eu des grosses études qui ont été faites, des grosses synthèses internationales justement sur le bénéfice de la restauration des zones humides, qui ont montré que finalement c'était assez peu efficace en termes de reconstruction des patrons de biodiversité qu'on aurait pu y attendre. Alors, c'est lié, bien entendu, à la baisse. Déjà, c'est lié au fait qu'on conçoive la zone humide comme un système simple. C'est-à-dire qu'il suffit de creuser un trou, finalement, pour obtenir une zone humide. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est contexte dépendant. Et creuser un trou ne suffit pas à reconstruire ou à reconstruire des fonctions et les services de biodiversité d'une zone humide. Et puis, il y a aussi, bien entendu, quand vous on va encore continuer dans mon image de trou. Si vous construisez un trou au milieu d'une grande zone de maïs, eh bien, les organismes vivants qui vont pouvoir s'y rendre, on va avoir du mal à trouver, à rencontrer cette zone humide. Donc finalement, la biodiversité qui va s'y installer va être relativement pauvre. Si de surcroît cet environnement est relativement riche en nutriments, avec beaucoup d'intrants agricoles, des labours profonds, etc., votre zone humide va recevoir beaucoup d'argile, beaucoup de limon, beaucoup de nutriments, et finalement ne va pas, en termes de biodiversité, apporter les résultats escomptés. Donc ça, c'est le premier problème. Alors d'autres solutions ont été abordées, hein, c'est la reconnexion des zones humides à la rivière, par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est la difficulté, c'est qu'on risque d'homogénéiser, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système qui fonctionnait avec des fonctions qu'on aurait pu trouver en deçà de ce qu'on espérait, mais qui avait un certain nombre de fonctions qui lui étaient spécifiques, on se retrouve finalement avec une uniformisation, avec des qualités d'eau et de sédiments qui se rapprochent de celles du cours d'eau. Donc ça constitue un problème. Et donc une perte de biodiversité associée à ces zones humides. Donc la reconnexion pure et simple ne résout pas le problème, bien entendu. Et puis, il y a d'autres actions, hein, qui sont des actions liées à des transplantations. Ça existe, hein, c'est encore peu réalisé, mais ça existe. Et puis des actions qui sont liées à la préservation des zones humides, de ces intrants dont on parle, de ces intrants polluants, donc en construisant des zones tampons, donc en favorisant l'établissement d'herbiers de roselières, de forêts alluviales, de bordures, qui protègent la zone humide de ces intrants, anthropiques. C'est justement sur ces zones tampons, on peut peut-être en dire un mot, parce que c'est une voie d'exploration qui permettrait justement de protéger un peu les zones humides, de recréer des zones de biodiversité à l'échelle locale, et donc ça semble être une piste intéressante à exploiter. Qu'est-ce qu'on entend exactement par zone tampon, Gudrun Bornet? En fait, c'est une zone dans laquelle les organismes vivants vont pouvoir se réfugier, par exemple en période de haute eau, un certain nombre d'organismes vont pouvoir s'y réfugier, à partir de l'eau ou à partir des terres agricoles. Hein. Donc c'est des zones qui peuvent être aussi utiles à l'agriculteur, dans le sens où elles vont abriter un certain nombre de petits prédateurs, hein, par exemple des prédateurs du campagnol, prédateurs des insectes ravageurs des cultures, qui vont se réfugier dans ces zones tampons, qui vont être laissées à l'abandon. C'est de la brousse, c'est des buissons, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ça peut être différentes choses. Ça dépend de la gestion qu'on choisit de leur faire subir, entre guillemets. Ça peut être de l'abandon herbé. Hein. Donc en Bretagne, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé justement pour rabattre les nitrates qui arrivaient au milieu aquatique. Mais on peut laisser la végétation se développer. Il y a des très belles études qui ont montré le rôle absolument considérable de ces forêts alluviales sur le rabattement du phosphore, par exemple, hein, phosphore issu de nos pratiques, hein, donc agriculture plus lessive, de moins en moins lessive, mais quand même encore. Et donc, en fait, tout doucement, et puis un certain nombre de polluants, hein, pesticides, herbicides, qui sont efficacement rabattus dans ces zones tampons ou retenus dans les végétaux ou dans le sol. Donc, ces zones sont vraiment très, très importantes et sont malheureusement sous-utilisées dans la plupart des contextes écologiques des zones humides, malheureusement. Delphine Gramont, ça veut dire que de manière très concrète, si j'écoute la méthode scientifique, que j'ai un petit bout de jardin et que je suis pas loin de grands champs, ça veut dire que ça vaut le coup de laisser des épineux, de laisser quoi? Comment on crée une zone tampon chez soi, par exemple? De créer une zone humide qui permet de remplir ce rôle finalement de petite micro-station de lagunage maison, c'est d'utiliser les propriétés effectivement de ces végétaux sur sol humide, de capter une partie, pas il y a des effets seuil, hein, mais une partie de ces polluants, donc c'est ce que préconisent effectivement certaines législations, de laisser ces bandes enherbées entre le cours d'eau et les parcelles agricoles. Donc, juste une bande d'herbe, c'est suffisant. Et il faut qu'il y ait des conditions favorables, donc qu'il y ait suffisamment d'humidité, donc il ne se fait pas effectivement de creuser une dépression. Donc c'est pas si simple à mettre en place que cela. Pour conclure aujourd'hui, est-ce que la France, j'ai un rapport a été remis au ministre de la Transition écologique et au Premier ministre là au tout début de l'année à propos de la préservation de ces zones humides. Vous avez le sentiment aujourd'hui que la conception politique de l'urgence de la préservation de ces milieux-là, elle est faite, elle est actée chez nous. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire auprès des dirigeants Gudrun Bornett? C'est assez compliqué parce que le dirigeant, il est dans une position de consensus entre des besoins contradictoires. Donc le besoin des gens qui veulent protéger nos ressources naturelles, protéger la nature, puis des gens qui ont d'autres ambitions, qui ne sont pas forcément antagonistes, mais qui ont des besoins, c'est-à-dire qui doivent produire des céréales, qui doivent produire ou qui veulent installer un lotissement ou je ne sais quoi. Et donc c'est très très difficile d'arriver à concilier tous ces intérêts contradictoires. Surtout quand on parle de biodiversité, donc moi je m'entends souvent rétorquer, tu parles de petites fleurs et de petits oiseaux, quoi. Et encore aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que la praxis a un peu changé tout de même? Je pense que la praxis ne change pas. Ce qui change, c'est le fait que je ne parle plus de petites fleurs et de petits oiseaux. C'est-à-dire que je parle de fonctions, de services, d'un certain nombre de choses qui n'évoquent plus la biodiversité pour éviter ce genre de remarques, ce qui est un peu dommage, parce que c'est hyper... C'est-à-dire que lexicalement, il faut capitaliser le végétal pour pouvoir parler aux dirigeants. Un petit peu, oui, quand même. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est sur cette note d'espoir qu'on a envie de s'arrêter vraiment. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup Delphine Gramont. Merci Gudrun Bornett d'être venue nous parler de ces fragiles zones humides qu'il faut, on leur a compris, essayer de préserver à tout prix. Merci à nos camarades de France Bleu Besançon pour le duplex. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Jacques Azubert aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain nous parlerons de ces techniques numériques qui rendent anxieux et bien justement tous les politiques du monde et qui sont susceptibles de leur faire dire n'importe quoi, en tout cas plus qu'à l'accoutumée. Nous parlerons des deepfakes et notez que pour nos deux dernières émissions de la saison cette semaine, jeudi, nous recevrons l'auteur de la trilogie de science-fiction Silo Yugowie qui sera avec nous depuis son voilier sur les îles Fidji. Et oui, et vendredi ce sera le retour de notre dernière émission de la saison, comme chaque année, de la SF plein la valise avec toutes les voix familiales de La Méthode Scientifique qui se retrouveront pour une dernière fois derrière notre micro pour vous donner des conseils de lecture et de visionnage pour vos vacances. Ce sera tout ça, bien comme d'habitude, à partir de demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.